Sortie culturelle. Sortie culturelle au cinéma Le Clap, une présentation de CKRL. Critique en direct de la pyramide du cinéma Le Clap, sortie culturelle au Clap, le documentaire de Pedro Ruiz sur les toits à Vannes, le documentaire d'Hélène Choquette sur Robert Lepage, Lepage au soleil, la toute dernière aventure des Avengers qui fracasse des records au box-office, Avengers Endgame, et le film indien Monsieur. Les ondes du 89.1, bienvenue à l'émission Sortie culturelle au Clap, qui remplace un peu Situation critique puisqu'on est en sortie, mais c'est l'équipe habituelle, l'équipe d'élite qui est à côté, qui est en ma compagnie. Patrick Marleau, bonsoir. Bonsoir. Patrick, tu es allé voir un incontournable parce que tu vois tous les films de super-héros, je me trompe? Non, tu ne trompes pas. Il n'en manque pas un à ta liste. Ah non, j'adore. Puis tu sais qu'il y en a là, ces dernières années, il y en a une tralée, comme on dit au Québec. Ben, chaque deux semaines pratiquement, sans compter tout ce qu'il y a à la télévision aussi. Là, tu as été voir celui qui fracasse des records au box-office. Écoute, qui était très attendu, je pense, globalement, par en juger par les chiffres, effectivement, récolté ce dernier week-end. Donc, Avengers Endgame, un documentaire sur les dangers de la surpopulation. elle est très bonne. Et c'est pas faux, en quelque part. C'est pas faux. De petits messages, et quand même. Et s'il y a un intérêt, évidemment, c'est parce qu'il y a une vague de films de super-héros qui attire le grand public, mais c'est aussi que ça met fin en partie à, disons, le premier volet, un volet première qui a duré une dizaine d'années. C'est 11 ans et 22 films. Ce qui est quand même incroyable là, pour Disney. Écoute, chacun des films est un succès, c'est sûr, à différents degrés, mais il n'y a aucun mauvais film dans cette liste-là, là, dans ces productions-là, ce qui est hallucinant. Ça me fait une étape, mais pour mieux préparer la prochaine, on présume. Ils ne tourneront pas le dos à ça. Écoute, ce catalogue-là est trop lucratif pour qu'on arrête de faire des films de super-héros. De toute manière, on a déjà annoncé quelques films qui s'en viennent, mais je crois qu'au cours des prochains mois, là, Disney vont vraiment annoncer leur deuxième phase. Le prochain calendrier des 4 ou 5 prochaines années. Effectivement. Voilà. Luc Lafontaine, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Luc, tu as vu le documentaire sur Robert Lepage? Oui. Hélène Choquette a eu une belle campagne médiatique pour annoncer son film parce qu'on lui posait la question, est-ce que ça parle du scandale d'appropriation culturelle? Exactement. Non! Ça parle de Canada, mais ça parle du processus de création. Du processus de création. C'est une fenêtre sur le processus de création qui a été mis en branle là, avec Lepage et la troupe de Mouchkine. Ariane Mouchkine, la troupe française. La troupe française. Mais qui est formée de comédiens, je pense, multiethniques. Ils viennent d'un petit peu partout. Oui, la troupe au complet, je pense, c'est plus de 70 nationalités. Et puis pour la pièce, c'était 36 nationalités qui partageaient. On en parle dans la seconde demi-heure de cette émission qui, je vous rappelle, se déroule en direct du cinéma Le Clap à la Pyramide, pas celui de Loretteville, donc à la Pyramide, puisque ce soir, on inaugure le mois du documentaire qui se déroulera tout au long du mois de mai avec des primeurs documentaire, dont un film sur John McEnroe. Moi, j'ai suivi dans ma jeunesse McEnroe et le duel avec Björn Borg et après ça, l'arrivée d'Ivan Lendl. Donc, il y a un documentaire qui sera présenté dans ce cadre-là sur l'enfant terrible du tennis et bien d'autres. Des nouveautés, mais également des reprises. Luc, tu vas nous en suggérer quelques-unes tout à l'heure. Oui, effectivement. Et En début d'émission, dans quelques minutes, on va s'entretenir avec Pedro Ruiz, qui est un cinéaste ici au Québec, d'origine évidemment latine, et qui a été tourné un très beau film à Cuba, un film qui a pour titre « Sur les toits à Havane ». Il nous parle de ce film qui inaugure le mois du documentaire. En musique, tout juste avant, on se met dans l'ambiance avec le groupe originaire de Cuba, Orichaz. Represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Yo. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia. Que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana. Un sentimiento de manana. Habana. Todo eso representa Cuba. Cuba, orillas donde la onda. En el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi funk estilo mira, viene de La Habana. Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. Je prêche pour ma chapelle, Panam. Je représente, gars, mes reflets de La Habana. Je rap, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. Je représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. Je rêve de belles nanas sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, je représente ça. Orillas donde la onda en La Habana. Cuba es mi música. Cuba, orillas donde la onda en La Habana. Cuba es tu música. Mi música tiene sabor a melao de caña. Ay, dime si te gustó. Hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing, hasta la sepultura. Representa salsa, beat, hip hop, usa el cero. Cuando quiero estallar, yo me voy a mi zona. A La Habana, yo me voy. Je représente le blanc, le noir, le chico, la chica. Chicago, à Panama, Tokyo, à La Habana. Je représente la fiesta, le son des congas, du mec en gras. Saca los collares que llego, chango, chango. Hey, bro, el egua, chango, bata la yemaya. Ochun, más fuere fun orulo y que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos. Todo eso represento. Cuba, orillas donde la onda en La Habana. Cuba, es mi música. Cuba, orillas donde la onda en La Habana. Cuba, es tu música. Cuba, orillas donde la onda en La Habana. Cuba, es mi música. Le mois du documentaire commence aujourd'hui au cinéma Le Clap de Loretteville et de la Pyramide à Sainte-Foy. Nous sommes en direct de la Pyramide à Sainte-Foy. Le film qui inaugure le mois du documentaire est présenté ce soir à 19h et il prend l'affiche vendredi d'ailleurs. Donc, si vous le ratez ce soir, vous aurez l'occasion d'aller le voir dès ce vendredi. Nous avons ici devant nous son réalisateur, Pedro Ruiz. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Sur les toits à Havane, c'est le titre de votre documentaire. Et je voudrais vous demander, parce que c'est pas la première fois que vous tournez autour de Cuba. Il y a eu le film sur Philémon Simon, qui est originaire, je pense même, de Québec. Oui. Un chanteur, oui. Qui a un lien particulier avec Cuba. Mais pour retourner là-bas, y tourner un nouveau long-métrage, documentaire, quel lien entretenez-vous avec Cuba? Parce que vous auriez pu tourner dans une autre capitale latino-américaine, autre que La Havane. Tout à fait, mais je pense que c'est un prétexte que je m'ai trouvé pour y revenir. C'est une ville qui m'a séduit, qui m'a enchanté depuis longtemps. Pour vous, c'est l'une des plus belles villes au monde? Je dirais que la plus belle, je dirais pas que c'est la plus belle, je dirais que c'est la, celle qui m'a plus séduit. C'est, même dans, la, dans, dans la, les choses qui ne sont pas belles, je trouvais la, la magie dans cette, dans, cette, dans cette ville, dans ce pays. Et je suis complètement enchanté. Je suis revenu sur mes arrière-pas. Je travaillais là-bas beaucoup pour des autres projets, mais finalement, je me suis dit, bon, c'est un autre projet plus intime, dans la canopée, dans un espace privilégié, canopée, comme si on voit ça comme c'est la forêt, dans les toits des arbres. Et je me suis dit, bon, dans cet espace limité, je travaille dans un toit, qui est une île, dans une autre île, et jamais cette approximation, que c'est finalement une approximation poétique, parce qu'on parle de la poétique de l'espace, je suis en haut, en train de revisiter des personnages, d'une façon dramatique, mes personnages, les personnes qui sont dans mon film, mais qui à la fois sont dans les nulle part, sont pas des héros, sont entre le ciel et la terre, dans les borderlines, dans les... Et ça, je me suis dit, il y a du matériel pour faire quelque chose ici. Oui, effectivement, il y a du matériel et du beau matériel que vous nous présentez également. Les prises de vue sont magnifiques. Mais ce qui m'intéressait également, donc, de voir les gens sur, un peu comme vous dites, sur leurs propres îles, entre la terre et le ciel. Pour certains, c'est une idée de liberté aussi pour eux de se retrouver à cet endroit-là. Il y a un isolement également. Mais pour trouver, comme vous dites, ces personnages-là, ces gens-là, comment vous êtes-vous pris pour les trouver, pour qu'ils vous présentent des scènes de leur vie quotidienne? Parce qu'il y a quand même une intimité. Vous les prenez à leur réveil, avec leur café au matin. Tout à fait. Comment on s'y prend pour approcher ces gens? Les films étaient talonnés dans 3 années. Et les premières années, on était là juste sans caméra, juste pour les visiter, pour frapper la porte. Le repérage, en reconnaissance. Oui. Et ça faisait à travers la parole. On parlait, on jassait beaucoup avec les gens, avec ces gens-là. Et après la 12e année, on était allé 28 jours pour tourner et après on est revenu. Mais dans un moment donné, on frappait la porte littéralement. D'accord. Et si on regardait qu'est-ce qu'on trouvait. Des fois on se faisait jeter, des fois pas, des fois les gens nous ouvraient la porte. Et de cette façon, doucement, on a rentré et on a trouvé ces 11 personnages que on adorait. On a perdu au cours des routes des autres personnages qu'on aurait aimé avoir. On a gagné aussi les 3e année, on a revisité des personnages qu'on avait vus la première année, qui au milieu l'ont dit non, et après on les a repris, c'était magnifique. C'était d'une façon par hasard, on dit, par fortuite. Oui. Mais il avait aussi une intention esthétique aussi. Il avait, mettons, je marchais, je disais, waouh, c'est toi là, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a un petit château, qu'est-ce que c'est? Même s'il va tomber, je vais aller, on frappait. Et de cette façon, c'est pour ça que je disais à des journalistes aujourd'hui qui m'ont interviewé pendant la journée que je ne marchais pas de la même façon comme je marche à Montréal, à La Havane. Et c'était bizarre. J'étais un peu, je ne voudrais pas parler d'un état second ni faire de la romanticisme bon marché, mais quand même, je n'étais pas le même. Et ça fait que je rentrais dans un espace bizarre où on frappait et on touchait avec les gens et on parlait. Et les portes commençaient à s'ouvrir. Et j'ai trouvé ces 11 personnages, encore une fois, que j'adore. Et qu'il y a des autres personnages aussi. Pour moi, La Havane, c'est un personnage. Pour moi, la radio, absolument, c'est un personnage. La musique, les pigeons. Oui, les pigeons sont sont très présents dans votre film, hein. Oui, également. Mais c'est de voir aussi, pour La Havane, pour l'avoir visité aussi, c'est pas la même chose, comme vous dites, de Montréal. La tête nous part dans tous les sens, selon l'heure du jour ou de la nuit également. Je peux comprendre ce goût-là d'en savoir un peu plus. Mais l'idée des toits... L'idée des toits était latente, parce que... Je marchais beaucoup là-bas. La dernière fois que j'étais avec Philemon, on était beaucoup sur les toits pour tourner ces chansons. Et je me suis dit, waouh, il y a un espace privilégié ici, intéressant. C'est une autre perspective, complètement. Complètement. Et ils sont passés des choses pendant l'histoire réelle. C'est la révolution, les sexes, l'élevage des cochons pendant les périodes spéciales, les poulets, là. Et même les gens de La Havane utilisent les toits. Après la pluie, le soleil tombe, tu vois les gens sortir, prendre un cigare, s'asseoir. C'est méditatif. c'est concret, c'est vraiment un espace de... n'est pas usagé, on dit, on utilise. Mais même pour les personnages de votre film, le fait de vivre en hauteur, ça devient comme un refuge. Ce sont des nids d'oiseaux. Complètement, dans son perché, c'est vrai. Mais aussi, il y a un fait littéral et concret que ça arrive dans toutes les villes du monde, que c'est là la migration, la surpopulation et tout ça. Les gens de la campagne vont à la ville est petite, et bon, ils vont pobler les petits espaces. Et c'est ça aussi intéressant, voir la stratagème de ces gens-là qui vont sortir les pièces de métal d'un ascenseur, d'un élévateur, et ça va devenir une maison. Mais des fois, ce sont des maisons de fortune, des fois, elles sont plus établies que ça, mais ils vont pobler même les petits espaces. C'est pour ça que je dis les interstices de ces villes-là. Mais que je, pour moi, c'était une façon encore plus poétique de et c'est pour ça que c'est une prétention esthétique quand je suis dit bon, je serai ici, je serai pas jamais en bas, loin des touristes. Absolument. Ouais. Et de voir aussi on peut se poser aussi la question, vous nous présentez donc différents personnages, différentes personnes qui vivent des scènes de leur vie quotidienne, un peu comme l'anthropologue qui va cogner puis pour s'insérer, puis sur un long terme, ce que je viens de comprendre, sur 3 ans. Mais est-ce que entre eux, les gens, parce qu'ils se disent tous révolutionnaires avec Dieu, avec le Seigneur, donc sur l'idée qu'ils se font de Cuba, de sa complexité, vous avez parlé de la période spéciale, donc suite aux chutes du mur de Berlin, etc., qui est très difficile pour Cuba. Comment ils voient un peu leur avenir? On voit à un moment donné juste un homme qui dit « c'est ma liberté d'être sur le toit, de pouvoir voir le ciel, etc. » et sa conjointe « je veux des ustensiles, je veux des verres, je veux des chaudrons. » On a deux réalités qui cohabitent. Mais c'est quoi les réalités qui cohabitent que vous avez trouvées sur les toits? C'est difficile. Je dirais que c'est finalement, c'est comme une approximation à la condition humaine. Parce que tu vois, toi, la beauté, avec ces séquences tellement belles de l'horreur, après l'aube, la nuit. Mais aussi, il y a la tendresse, parce que ces personnages me parlent du fond de ces profondités de l'être. Et il y a la douleur pour la précarité de vie. Et ces combinations-là font que j'essaie de faire ce film universel. Ou ce sont des choses qui peuvent nous toucher à nous aussi ici. Et cette humilité, ces conditions humbles. De ces madames qui, comme tu dis, on a des différents objectifs, mais pour montrer un petit peu l'écart. Tu vois, je suis un latino-américain, je viens du Venezuela, qui habite depuis 18 ans à Montréal, au premier monde, et qui revient là-bas. Et quand même, c'est touchant, ça me touche beaucoup, parce qu'on parle de choses plus vraies. C'est la vie même, et pas beaucoup d'objets. Surtout qu'on est aujourd'hui dans un monde de consommation. De consommation, et puis qu'on voit que c'est avec les moyens du bord qu'on se débrouille, et puis qu'on va construire avec ce qu'on trouve également. Donc, pour ça. Pedro, est-ce que c'est facile d'aller tourner à Cuba? Est-ce que ça prend beaucoup de permis? Est-ce qu'il faut montrer patte blanche? Est-ce que ce sont de longues discussions pour avoir le feu vert et s'entretenir avec la population et non pas des porte-parole? C'est quand même encore une dictature, malgré tout. Je ne sais pas si c'est une dictature. Je dirais que c'est une autre forme de gouvernement. Mais en tant que la permission, on demande la permission. Il y a des commissions de films là-bas. Ça s'appelle l'ICAI. Et c'est vrai, c'était lourd. C'était bureaucratique. Mais ça marchait. Et on a pris le temps. Je pense que c'est une question de patience et de bien montrer son propos. Et même si on pense que le film, ce n'est pas dramatique et politique, Il est profondément. Mais il y a une autre façon de dire les choses, tu vois. C'est comme la métaphore des pigeons. C'est le pigeon sort, vole, mais après il faut qu'il revienne dans la cage. Et je préfère cette façon de dire les choses que étiqueter les choses. Tu comprends? Parce que si on parle de dictature, on pourrait parler des États-Unis quand même. Qui vient de faire un coup d'État au Venezuela hier, avant-hier. Oui, l'ingérence politique des États-Unis est une forme de dictature, direz-vous. Littéralement. Disons que j'étais plus terre-à-terre du point de vue électoral. Que j'adore. Disons qu'il n'y a pas d'élection libre pour l'instant et on le souhaite éventuellement à Cuba. Et la situation est quand même différente d'une époque. Mais je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, Pedro, de toute façon. Cela dit, à avez-vous fait affaire? On voit des Cubains devant la caméra, mais derrière la caméra, avec l'équipe avec laquelle vous avez travaillé, étiez-vous tous venus du Québec parce que votre documentaire est québécois? Vous êtes québécois d'adoption, mais là-bas, avez-vous fait affaire avec des gens, des Cubains qui travaillent dans le milieu du cinéma, même si c'est une toute petite industrie? Non, parce que notre film était tellement low budget que... Toute petite équipe. Oui, et l'équipe venait d'ici, sauf mon assistant de direction, que je l'ai fait venir de Venezuela, un grand photographe, Gustavo Marcano, mais le reste, c'était René, il étudiait à l'école de San Antonio de los Baños, c'est un gars de là-bas, mais qui habite à Montréal depuis 20 ans. Et, oui, c'est une petite équipe, et après, ici, on a combiné avec les autres personnes d'ici, mais pour rentrer dans l'intimité avec ce monde-là, il fallait aussi une petite équipe. Au-delà, si on n'avait pas beaucoup d'argent ou pas, tu ne peux pas déborder chez quelqu'un avec beaucoup de monde et qui réussit à t'ouvrir son esprit. Parce qu'on arrive dans son esprit. Complètement. On n'était pas invisible, je sais ça. Mais quand même, on a réussi à être proche et que les gens nous disent des propos tellement belles, intimes, profondes. Et les écouter, les entendre. Pedro, votre film joue sur deux tableaux. D'une part, c'est une rencontre avec des Cubains et des Cubaines de tous âges qui vivent tous en hauteur. Et d'un autre côté, c'est des images, à mon sens, vous avez été gâté avec les images que vous avez captées là-bas, parce qu'il y a une luminosité qui est frappante. Oui, c'est un prix de décision notre. On a dit, écoute, on se lève à 4 heures du matin, on tourne jusqu'à 8 heures, et on commence à tourner à 4, 5 heures jusqu'à la nuit. Et ma productrice était fâchée avec moi. Elle dit, qu'est-ce que tu vas faire, tout cet homme-là, avec cette équipe qui coûte tellement d'argent? Mais c'est beau qu'on a finalement accepté cette... attitude de tourner dans ce moment-là, au milieu, on faisait des choses de production, on continuait à chercher des personnages, on regardait les images qu'on avait tournées le lendemain. Mais le fait d'avoir la patience et se donner le privilège de tourner juste dans ce moment-là, ça fait aussi ces lumières. Tout à fait. Magique. Votre film est présenté dans quelques minutes en ouverture du mois du documentaire. Il s'intitule « Sur les toits à Vannes ». Il prend l'affiche au cinéma Clap dès vendredi. Pedro Ruiz, réalisateur, merci de votre présence ce soir. Je vous remercie pour m'avoir invité. पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो De retour en direct de la pyramide du cinéma Le Clap à l'émission Sortie culturelle. C'est Situation critique est en sortie en compagnie de Patrick Marleau qui va nous parler d'un film supposément de super-héros tout à l'heure. T'es as-tu compté, Patrick, combien il y en avait? Pendant que je fouille dans mes notes. Compté de quoi? De super-héros combien présents? Combien de super-héros, oui, dans Avengers dont tu vas nous parler tout à l'heure. Je ferai le décompte pour la chronique, mais on peut assurément... Ouais. Oui, à peu facilement. Près. Oui, oui. À peu près. Bon, c'est mon tour de parler de cinéma et Luc va nous donner quelques suggestions par la suite pour le mois du documentaire. J'ai eu l'occasion de voir un film, tu sais, le film auquel on s'attend à rien, finalement. Le film prend l'affiche vendredi au Clap. J'ai eu la chance de le voir à l'avance. Ça s'appelle Monsieur. C'est une coproduction entre l'Inde et la France. Et c'est un film, je dirais, indien dans ce qu'il nous présente. Et c'est pas du Bollywood. Donc, c'est pas la comédie musicale qui dure 3 heures. Parce que, il faut le rappeler, l'industrie indienne de cinéma est très lucrative. Il y a des millions d'Indiens qui, chaque semaine, chaque mois, se rendent au cinéma. Donc, c'est une industrie qui vit par elle-même et qui est quand même peu exportée, je pense. Donc, à part peut-être dans les pays limitrophes, le Sri Lanka ou autres. Donc, on est habitué à cet univers-là d'entendre parler de Bollywood comme les comédies musicales. Et alors que Monsieur n'en est pas une, Monsieur, c'est un film intimiste qui nous présente. C'est un film de Rowena Gera et qui met en vedette deux comédiens que je ne connaissais pas du tout. Bien évidemment, on connaît peu les acteurs indiens. Tilotama Chaumé et Vivek Gombert. Et ça raconte l'histoire d'une veuve, Ratma, qui va se trouver un emploi comme servante chez un riche bourgeois dans son appartement, son condo, dans une grande ville de l'Inde. Et les deux vont finalement connecter ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont s'apprivoiser, ils vont trouver qu'ils ont des goûts un peu similaires. Elle aura l'occasion justement de le rassurer un peu parce que lui était sur le point de se marier et ça s'est fini en queue de poisson. Sa promise l'a quitté. Et au fil du film, c'est ce rapprochement-là entre les deux personnages. Donc, on a vu ça mille fois au cinéma. Ce qui est intéressant cependant, c'est le contexte indien. Et vous doutez vers où je m'en vais. C'était peut-être inévitable. Ça peut devenir un cliché, sauf que c'est extrêmement bien abordé. Et c'est l'idée des... ou le phénomène de... des castes. Des castes. On ne se mélange pas en Inde. Là, je ne suis pas un spécialiste de l'Inde, mais je pense que cinq... Sept. Merci, Luc. As-tu été en Inde, toi, dans ta jeunesse? Non. Faire un trip? Non. Donc, tu dis qu'il y a sept castes, cette classe fermée. Cette classe. Et évidemment... tout amour est impossible à travers le système si on n'est pas dans la même caste. Et les deux personnages principaux, c'est ce qu'ils vont vivre. C'est l'un des plus beaux films d'amour que j'ai vu depuis 3 ou 4 ans. Puis Dieu sait que c'est un film pudique. C'est un film d'amour impossible. Et pourtant, ça fonctionne. J'ai été ému en regardant ce film, aux images très belles, mais aussi avec une comédienne, je la nommais tout à l'heure, Tilotama Chaumé, qui est réellement mais charmante au possible. Elle porte le film sur ses épaules. Toutes ses expressions, sa joie de vivre, son charisme, elle a un côté très émouvant également qu'elle dégage à l'écran. Pour moi, c'est une découverte et le film fonctionne. Si vous avez envie d'aller voir un film, une curiosité qui va vous toucher, Monsieur, ça arrive en salle dès vendredi. Luc, je le disais tout à l'heure, on quitte la fiction, on retourne dans le documentaire. Tout au long du mois de mai, le CLAP présente des nouveautés, des primeurs en documentaire et également des films qui ont été présentés dans les derniers mois au CLAP ou même à Montréal. Dans quelques-uns, ben, pour certains de ces films, tu les as déjà vus. Qu'est-ce que tu nous suggères? Ben, dans ceux qu'on a déjà vus, qu'on a chroniqués, il y a entre autres, puis ça fait un pont avec ce qu'on vient de discuter, « Cielo ». Donc, ce film qui se déroule dans le nord du Chili et où on... pour la beauté des images. La beauté des images et aussi pour la signification qu'on donne au ciel, c'est-à-dire que c'est autant les gens de la place, les légendes, comment le ciel vient nous inspirer, nous guider dans nos actions qu'on doit poser et les scientifiques d'un peu partout sur la planète qui viennent s'installer. Les plus gros observatoires au monde sont dans cette partie-là du Chili. Exactement. Vu qu'il n'y a pas de pollution atmosphérique. Atmosphérique, exactement. Ce qui fait en sorte que, bon, bien, pour eux, bon, étudier le ciel, bon, bien, ils vont y aller avec des chiffres, ils vont y aller avec des équations, mais ça reste tout aussi poétique, tout aussi beau comme descriptif de ce côté-là. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le revoir. Cielo, qui est un film québécois aussi. Hein? C'est un film québécois. Autre film québécois, on vient d'en discuter sur les toits avant. On va en reparler de page au soleil. Un qu'on a vu dernièrement et puis qui fait surface, si on veut, indirectement avec l'actualité, avec un sourire, la révolution, donc le référendum catalan avec l'ex-premier ministre. Carlos, j'ai toujours la difficulté à prononcer son nom, Puigdemont. Ou du monde qui donc devait venir ici au Canada, Société Saint-Jean. Qui a été refusé. Invité et qui a été refusé, donc à la dernière minute, qui a été refusé. Donc, pour comprendre le référendum, comprendre les protagonistes enjeux. En place, les enjeux qu'il y a. Il y a un nouveau gouvernement socialiste minoritaire qui vient d'être élu. Est-ce qu'il va y avoir un changement de la donne? Donc, c'est un documentaire fort intéressant. C'est son deuxième, du même réalisateur, sur la même question et qui fait de très belles choses et une analyse fort intéressante. On vient de parler sur les toits à vannes. Luc a suggéré Cielo et aussi Avec un sourire, la révolution qui se déroule en Catalogne. C'est tous des films québécois, mais qui parlent d'ailleurs. Exactement. Quand même. Et bravo, c'est l'ouverture sur le monde de nos documentaires. Patrick, On fait toujours la notice nécrologique ces temps-ci dans le cadre de l'émission. Il y a toujours des décès. Il y a eu Anémone, qu'on a connu évidemment par son rôle de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure, mais qui avait joué dans de nombreuses autres productions françaises, qui est décédé à l'âge de 68 ans. Mais également le cinéaste John Singleton. Lui, c'est plus surprenant. Ah oui, ça fait 51 ans. Oui, quelque chose comme ça, début cinquantaine. Ouais, victime d'un ACV, comme le comédien Luke Perry il y a quelques semaines. Oui, quand même, c'est un réalisateur que la carrière était quand même pas mal au ralenti, il faut le souligner. Il faut le dire. Là, c'est pas plate, mais quand même, c'est ça. Disons qu'il a fait un film qui a un grand impact. Son premier. Boys in the Hood en 1991. Il était tout jeune, il était dans la début vingtaine. Il sortait de l'école, tout à fait. Puis Boys in the Hood, c'est un film marquant pour l'époque. Vraiment, c'est le premier rôle de Ice Cube, si ma mémoire est bonne. Oui, Cuba Gooding Jr. aussi, je pense. C'était dans ses premiers rôles, tout à fait. Oui, donc un film qui parlait évidemment de guerre de gang à Los Angeles. Donc, quand même un film comme ça, il est très percutant. Oui, sur le milieu des Noirs à Los Angeles, le ghetto des Noirs à Los Angeles. Il a fait plusieurs films d'ailleurs, je dirais un peu revendicateurs sur sa communauté. D'autres avec moins de succès justement par la suite. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il s'est même essayé avec un Fast and Furious. Oui, tout à fait. Misère. Faut payer ses Pourquoi pas, remarquez. Et depuis presque une dizaine d'années, il était dans les séries télévisées. Oui, comme producteur aussi. Oui, il naviguait là-dedans sans avoir à diriger comme tel une série. Il participait à différentes, comme producteur ou réalisateur de différents épisodes. Donc, John Singleton qui est décédé cette semaine. On passe au pub, puis tout de suite après, on parle du film Milliardaire de la semaine, c'est ça? Déjà? Oui. Avec Patrick, évidemment, Avengers Endgame. Sortie culturelle. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Avengers, phase finale. Cinévoyage Polynésie française présente de Tahiti à Bora Bora, Hale County, jour après jour, Le Page au soleil à l'origine de Kanata, l'Opéra de Paris présente Lady Macbeth de Misansk, Sunset, la fin du jour, Sur les toits à Vannes et Une vie en hauteur. Et au Clap Loretteville, After, la rencontre. Avengers, phase finale. Cinévoyage Polynésie française présente de Tahiti à Bora Bora, Free Solo. L'Opéra de Paris présente Lady Macbeth de Misansk, Or Vert, Rêveuse de ville et Les Sentinelles. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Le mois du vélo est officiellement lancé. Du 1er au 31 mai, Accès Transport Viable et ses partenaires vous invitent à sortir votre vélo et partir à la découverte du réseau cyclable de 345 km de la ville de Québec. Conférences, balades familiales, escouades chanceuses, cyclo-fiesta et bien plus. Retrouvez toutes les activités sur moiduvélo.com. Le réseau évolue. Embarquez avec nous. Je me suis réveillée. Toute seule dans mon appartement. À côté de moi, dans les draps, mon ordi. J'ai regardé l'écran. Je me suis vue, allongée dans la white room. Je dormais. Il y avait du vent autour, les vagues, le sable. Il y avait l'empreinte de ton corps dans le lit. Je me suis réveillée dans la white room. J'ai regardé derrière moi, et là, je me suis vue de l'autre côté de l'écran. Je t'ai trouvée dans mon regard. White Room d'Alexandra Badea, présenté par les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec, dans une mise en scène de Jocelyn Pelletier, du 5 au 10 mai, au Théâtre du Conservatoire. Réservation au 418-643-9833. Dans le cadre du 35e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Tyshawn Sorey en trio avec Chris Tordini et Corey Smith le dimanche 19 mai à 15h en première canadienne. Soyez des nôtres pour un voyage sonore comme on en trouve rarement, sauf à Victoriaville. Pour informations et réservations, visitez le fimav.qc.ca. Le samedi 4 mai, on marche ensemble afin de promouvoir la solidarité avec les personnes migrantes ainsi que la culture du partage et de la rencontre. En accordant nos pas, nous interpellerons nos gouvernements afin qu'ils adoptent des politiques plus inclusives et équitables. De 0 à 98 ans, soyons solidaires des migrants d'ici et de partout dans le monde. Plusieurs arrêts et prises de parole viendront rythmer notre marche. Le samedi 4 mai, rendez-vous à 14h à la place Diouville. 14h à la place Diouville. Sortie culturelle. Sortie culturelle au cinéma Le Clap, une présentation de CKRL. Comme un seul homme, il a couvert, bien entendu, le dernier film des Avengers, Endgame. Patrick Marleau, bonsoir. Bonsoir. T'es même allé en parler à Radio-Canada, je pense. FM 93. FM 93. En fait, t'es partout, toi. Du phénomène Marvel. Parce que on fait appel toujours à toi. Dès qu'il était. C'est parfait. T'es le spécialiste un peu. Du monde des super-héros. Ben voilà. Hey, c'est le combientième. Là, il faut éliminer, il faut comprendre, là, les gens qui ne connaissent pas cet univers-là. On reste dans les super-héros de Marvel, qui est une compagnie de bandes dessinées, de comics américains. Mais il ne faut pas compter les X-Men et les Fantastic Four qui appartiennent à une autre compagnie de production cinématographique. Donc, dans l'univers Marvel de Disney, qui appartient à Disney maintenant, c'est le combientième film? C'est le 22e film de cette franchise-là, de cette série-là. Et le quatrième mettant en vedette les Avengers. Alors, c'est un pot pourri de plusieurs personnages. Est-ce que tu comptes Civil War? Parce qu'ils étaient là-dedans. C'est un volet de Capitaine America, ouais. Donc on les voyait pas mal tous. Disons que c'est un Avengers 2.5, effectivement, qu'on pourrait l'estimer comme ça. Donc, dans Avengers Endgame, alors, ils étaient 19 qui voulaient se battre contre un qui voulait juste être un fermier, finalement, avoir la paix, mais ça ne fonctionnera pas. On sait qu'Avengers Infinity War, qui était sorti l'an dernier, à pareille date, nous avait laissé sur une fin. Oui, mettait la table, mais en même temps, nous offrait une fin très surprenante, quand je pense que pas grand monde pouvait prédire cette fin, ce cliffhanger-là, finalement. Où disparaissait la moitié des super-héros des Avengers et des Gardiens de la Galaxie. Oui, en fait, la moitié des super-héros et la moitié du monde, en fait, des habitants de la planète Terre également, grâce au claquement de doigts de Thanos et de son gant avec ses pierres précieuses-là qui lui donnaient ce pouvoir-là. Alors, évidemment, Avengers Endgame reprend, donc, où l'autre terminait, évidemment. Les Avengers vont vivre avec cet échec-là, finalement, parce que Ils sont en deuil. Oui, ils n'ont pas réussi à empêcher Thanos de décimer l'humanité. Alors, chacun va essayer de vivre du mieux qu'il peut ce deuil-là, cette blessure-là. Évidemment, certains vont le vivre plus difficilement que d'autres, ce que j'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Mais le film vraiment m'a surpris. Il est allé dans des directions auxquelles je ne soupçonnais pas. Donc, moi, j'étais vraiment très diverti. Je place parmi les meilleurs Marvel. Parmi peut-être les 5 meilleurs. Ouais, je pense qu'on peut jusque-là. Le mettre dans le top 5. Oui, parce que on a vraiment une fin satisfaisante. C'est un film de 3 heures, il faut le préciser. Oui, mais qui passe relativement vite. Ouais, plus qu'Infinity War. Je trouvais qu'il y avait quelques longueurs, alors que là, chacun des super-héros ont vraiment leur temps à eux, ont vraiment leur séquence où ils peuvent briller. Et contrairement à Infinity War, où ils étaient toujours en réaction face à Thanos. En fait, c'était Thanos qui était pratiquement le protagoniste. C'était lui qui déclenchait l'histoire. Alors que là, finalement, c'est les Avengers qui essaient de trouver un moyen de défaire, en fait, Et de réussir à leur donner à chacun des super-héros une scène intéressante sans qu'elle soit plaquée. Oui. Ça, il faut le faire aussi. Effectivement, on a un très bon travail des scénaristes. Et encore là, c'est les frères Russo, Joe Anthony Russo, maintenant, qui ont la mainmise. Qui en ont réalisé plusieurs. Oui, plusieurs des derniers qui font un travail efficace. Les scènes d'action sont spectaculaires. Ben, on va se le dire, c'est-à-dire que la twist, en bon français, c'est quand même un retour dans le temps qui va permettre aux super-héros de sauver la mise. Et je ne suis pas en train de divulgâcher parce qu'il va y avoir un combat d'enfer. Il y aura des pertes, on ne dira pas lesquelles. Tous ne s'en sortiront pas vivants, mais c'est le voyage dans le temps qu'on va explorer. Et avec ça, on a réussi à faire de l'humour, parce que lorsque les super-héros parlent de voyages dans le temps, ils vont nous parler d'à peu près tous les films sortis dans les 30 dernières années où il y avait des voyages dans le temps, à commencer par Retour vers le futur. Ben oui, le grand classique, évidemment. Donc, on voit qu'on ne se prend pas au sérieux. On est dans l'autodérision. Oui, oui, c'est ce qui fait le succès aussi de cet univers-là. C'est des personnages hyper attachants qu'on su nous présenter et surtout incarnés par des comédiens quand même charismatiques, sympathiques, dans lesquels on a goût de s'investir dans leurs aventures. Et on les sent confortables dans leur rôle. C'est des vieilles pantoufles qu'ils endossent. Tout à fait. Et la chimie qu'ils possèdent entre eux, Écoute, ça donne des scènes jouissives. Et surtout, mon préféré, c'est vraiment ce qu'ils ont fait avec le personnage de Thor. Je ne révélerai pas, évidemment, de punch, mais quelle bonne trouvaille. On joue avec l'humour encore, ouais, son personnage. Tout à fait, vraiment. Et Chris Hemsworth, moi, c'est une révélation. Très bon comédien, oui. Écoute, le petit rôle qu'il avait dans Ghostbusters, dans Vacation, donc il a pu vraiment prouver qu'il a un sens d'un jeu de la comédie, il est capable d'être très drôle. Absolument. Un bon sens d'autodérision ici qu'il utilise à merveille. J'ai quelques questions, moi, oui, pour oui, toi. Oui, vas-y, mon cher. Oui, OK, on y va. Premièrement, moi, il y a un personnage, tu disais à quel point ils sont assez tous charismatiques, on aime les revoir, et il y en a un, à mon sens, qui ne fonctionne pas dans cet univers-là. Lequel? Captain Marvel. Effectivement. Moi aussi, j'ai trouvé... Froide, rude, ouais, superflu. En fait... Et pas là tout le film. On se demande, elle est rendue où? C'est un prolongement un peu de son film à elle aussi. Est-ce que tu l'avais vu? Non, okay, mais on mettait la table avec le Captain Marvel pour ce Avengers. Mais son personnage, son jeu était comme ça aussi dans Captain Marvel. Ce qui a déplu à certaines personnes. Je disais des critiques sur le net, puis ça n'a pas fait l'unanimité. Effectivement. Et non, je m'attendais à ce qu'elle joue un plus grand rôle, qu'elle ait plus d'importance, effectivement. Elle reste comme en retrait avec sa baboune. Ouais, donc bon, c'est moi qui chiale, mais bon. Non, t'as raison. Écoute, moi aussi, je m'attendais vraiment à ce qu'elle ait un plus grand rôle. Donc, surprise de ce côté-là. Non, parce que je pense qu'on l'enlèverait de l'équation, puis ça ne changerait pas grand-chose. Non, surtout qu'elle est censée être super puissante, puis bon, pouet. Ouais. Là, l'autre question que je me pose, parce que tu connais l'univers de tous ces films, il y a un Spider-Man qui sort cet été? Oui. Ben, il est où, là, dans l'équation, là, lui, là? Vu qu'Avengers vient clore une série. Oui, mais en même temps, chacun des personnages vont quand même continuer à vivre en dehors des Avengers. Peut-être est-ce pas que tous. Ce Spider-Man-là commence la seconde époque? Je ne crois pas. J'ai hâte de voir où ça va se situer. Probablement que ça va être après le Avengers Endgame. Mais Spider-Man, je pense que c'est comme un petit aparté, finalement, dans ce grand univers-là. Si on se fie au premier film, qui n'avait pas un grand impact sur la grande intrigue. Non, moi, je pense que ce qui va vraiment... amener cette nouvelle phase-là, c'est on parle d'un film avec les Eternals, qui sont des personnages célestes très peu connus, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, qui fait partie de l'univers Cosmic Marvel, donc qui est en pré-production. Un peu comme Galactus, les Watchers. Ouais, tout volet-là. Est-ce que c'est là-dedans qu'on va peut-être amener Silver Surfer? Silver Surfer, c'est un immanquable. Ils vont rapatrier Fantastic Four. Là, maintenant, l'achat de Fox par Disney a été approuvé. Donc là, Disney, on a tout le catalogue des quatre fantastiques, des X-Men sous leur main. Alors là, c'est sûr qu'ils vont pouvoir jouer avec ça. Il y a un X-Men qui sort au mois de juin. Lui n'est pas dans ce catalogue-là, non, justement. Il fait partie de l'autre univers X-Men, effectivement. Dernier film de cette série-là. Donc, je pense que ça va être plus ça. Je pense que pour l'instant, comme Black Widow aussi, je pense que ça risque d'être un film... Qui se tient à lui-même. C'est officiel. Pas avoir oui, tout à fait, oui, ça aussi. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de choses encore annoncées. Je sais que Disney était très prudent pour ne pas, évidemment, donner trop d'informations sur Avengers Endgame, qui allait survivre, qui allait mourir, tout ça. Mais j'ai l'impression qu'au courant des prochains mois, là, ils vont nous révéler leur plan de match pour les 4-5 prochaines années, sur quoi ils s'enlignent. C'est sûr que Black Panther, c'est un incontournable. Le film a tellement un grand succès. On parle d'un deuxième Doctor Strange. Donc, tous ceux qui font partie des derniers films là, des dernières années, je pense qu'on peut peut-être oublier les premiers personnages parce qu'évidemment aussi, les comédiens, leurs contrats sont arrivés à échéance. Puis ça aussi, c'est un facteur pour Disney parce qu'évidemment, il coûte très, très cher. Robert Downey Jr. qui coûte 25 millions par film. Oh. Donc, j'ai hâte de voir quelle direction ça va prendre. C'est sûr que la barre va être très haute. Je pense que les films vont connaître là un peu moins de succès. Je pense que ce qu'on réussit avec ces deux Avengers-là... Ça ne peut pas grossir éternellement. Ça ne peut pas être plus gros que ça. Là. C'est fou. Tu mentionnais d'entrée de jeu 1,2 milliard en une semaine au box-office. C'est fou, là. Oui, c'est-à-dire que les acteurs qui vont revenir, ils se préparent à passer à la caisse en se disant « Vous avez les moyens de nous payer. » Oui. En terminant, Patrick, tu l'as dit dès le départ, Avengers, phase finale, Endgame, pour toi, c'est l'un des meilleurs films de super-héros Marvel sortis ces dernières années. Quel serait ton préféré? Quel serait le pire dans cet univers? Mon préféré, je pense, demeure The Winter Soldier, qui était le deuxième Captain America. J'aimais beaucoup ce côté-là, très thriller politique, très clin d'œil aux trois jours du Condor, Retirement, ça, j'aime beaucoup ces films-là des années 70. Donc, on retrouvait ce côté-là de ramener Robert Redford en méchant. C'était vraiment une très bonne trouvaille. Qu'on va voir dans Avengers Endgame. Il a un petit rôle. Un petit clin d'œil. On ramène plusieurs personnages des différents films. Et je dirais le pire, peut-être celui que je trouve le moins intéressant, puis je pense qu'il était écarté un peu d'ailleurs, c'est le Hulk avec Edward Norton, qui avait été produit quand même par Disney. C'est longtemps oublié. Hein. Oui, c'est ça, ça fait déjà quoi, 2008, puis Mark Ruffalo a tellement remplacé avec aisance Edward Norton qu'on a comme oublié qu'il fait partie de l'univers de Marvel. Absolument. Et puis, remarquez en terminant, pendant que j'y pense, Avengers Endgame, remarquez le travail des maquilleurs, puis des effets spéciaux, je dirais, qui sont faits peut-être numériquement par moment, pour vieillir Captain America dans une scène et pour rajeunir Michael Douglas ouais. dans une autre. Écoute, cette technologie de rajeunissement à chaque nouveau film, c'est plus en plus près, là, ça s'en vient. Remarquable. Je pense qu'on va être bon pour avoir des. Ouais, je veux qu'ils travaillent sur moi bientôt. Oui, c'est ça. Patrick Marleau, merci. Dans un instant, Le Page au Soleil avec Luc Lafontaine. Tout à l'heure, on est en direct du cinéma Le Clap à la Pyramide, l'émission sortie culturelle au Clap, situation critique en sortie finalement. Pierre Blais au micro, Luc Lafontaine, on parlait de documentaire, et t'en as vu un autre. Le film est présenté au Clap, c'est un film d'Hélène Choquette, Le Page au Soleil, et on revient sur l'histoire, la création de Kanata, qui était le spectacle de Robert Lepage, qui fait suite à la polémique autour de Slav qui se déroulait à Montréal, ça c'est son autre projet de création, en compagnie d'Ariane, de la troupe d'Ariane Mouchkine, la troupe française. Oui, Le Page au Soleil est en sous-titre à l'origine de Kanata. Donc justement, comment on a mis en place la pièce qui n'a jamais été jouée dans son entièreté. Entre autres ici, à Paris, oui, il y a eu des représentations. Il y avait trois volets, puis le premier volet a été présenté après avoir été remasterisé, mm-hmm. si on veut, mais qui n'a jamais été présenté, qui a eu des annulations, que les gens qui étaient associés donc au projet aussi se sont retirés, bailleurs de fonds. Il y a eu des gens des Premières Nations qui se sont dit on n'est pas assez impliqués dans le processus, d'où la controverse à ce moment-là, qui faisait suite à celle de Slav, où on disait qu'il n'y avait pas assez d'Afro-Américains pour... être aussi faire partie oui, du spectacle. Puis là-dessus, ben, suite au retrait, juste pour Slav, un clin d'œil, ce week-end, il y avait un documentaire qui a été fait à la suite qui permettait la rencontre de Lepage avec des documentaires sur Slav, oui. Donc, après... Mais il y a eu ça où, Luc? À la télé. À la télé, OK, d'accord. Documentité à Radio-Canada. Okay. Mais Hélène Choquette, elle s'est intéressée à la création comme exactement. Telle. Parce que... Elle a fait ça bien avant que la polémique éclate. Donc, on part quoi? Des tout débuts? On part du début, Lepage qui arrive à Paris et puis qui se présente devant les membres de la troupe. Donc, c'est un accès privilégié. C'est un accès privilégié. C'est aussi un privilège pour Lepage de s'y retrouver également, parce que c'est la première fois depuis l'existence de la troupe qu'on demande à un metteur en scène, à quelqu'un d'autre, de participer à une mise en scène, à participer à une création. Donc, ça aussi, là, c'était toute une première. Puis, il y a toute une tradition aussi avec ce théâtre-là qui est associé, donc, justement, comme on le présente au niveau davantage traditionnel, itinérant, c'est-à-dire qu'il regroupe des gens de différentes nationalités. Et pour eux, mais c'est comment s'imprégner de l'autre pour raconter son histoire. Donc, on cherche universel à travers la création. Mm-hmm. Et on voit à l'intérieur donc du documentaire ben, ces images-là où justement comment on va les imprégner de l'autre, on va les visiter l'autre, on va les entendre l'autre, on va les questionner l'autre. Donc des séjours ici dans l'Ouest canadien, entre autres. Si on s'intéresse peu au théâtre, est-ce qu'on y trouve notre compte? On y trouve notre compte parce que qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'on nous fait découvrir des membres de la troupe. Et que les membres de la troupe vont, comme je viens de le souligner, comment s'imprégner de l'autre, de sa culture pour raconter son histoire, mais comment des Afghans ont raconté aussi qu'eux autres dépossédés de leur territoire, comment des jeunes également dans quelle région, les Kurdes, pour les Kurdes, comment les enfants étaient enlevés pour devenir des enfants soldats, pour les islamiser, couper les cheveux également, comme on a fait ici avec pour dans les pensionnats, etc. Donc, il y a des ramifications à faire avec ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Avec comme leur propre histoire. Donc, c'est un peu ça l'idée qui nous est présentée, c'est de dire comment l'histoire des Autochtones, mais comment les gens, les membres de la troupe, de par leur propre histoire, peuvent s'en imprégner pour raconter quelque chose. Que ce soit un Iranien qui qui se retrouve dans la pièce et qui fait que de dire aussi qu'au théâtre, ben, un homme peut jouer une femme, etc. Mm-hmm. Et puis que c'est un Iranien qui va jouer le roi George V. Donc, tu vois, il y a un mélange là, des genres, si tu veux, qui est proposé également. Est-ce que ces comédiens-là qui sont dans la troupe s'expriment tous en français? Parce qu'ils sont d'horizons différents. Ils sont d'horizons, mais mettons que le « la français », des fois, ils n'ont pas mis de sous-titres, mais c'est pas leur pour plusieurs, ce n'est pas leur première langue, mais on comprend bien. Il y en a d'autres qui ont appris l'anglais. Je pense à mon Iranien pour pouvoir jouer George V, je crois. Donc, a appris l'anglais. Il ne connaissait pas du tout. Puis on les voit répéter puis écouter là, dans leur casque d'écoute des phrases et puis aller répéter dans la langue, si on veut. Le film se déroule sur combien de mois, voire d'années ben, dans ce cas-ci? Un an et demi environ, je pense que c'est 2016 qu'ils ont... au printemps 2016 qu'ils ont commencé. Pour donc, il y a les témoignages, certes, mais il y a une évolution créative. Il y a une évolution créative, on le voit avec les trois tableaux. On voit donc aussi le lien entre les acteurs qu'on interroge, la mise en scène que le page fait, ici à Ex Machina, ici à Québec. Ensuite de tout ça, bon bien, whoop, on va aller entendre des témoignages dans l'Ouest. On va parler des pensionnats, on va parler des bisons, le silence dans la plaine, le silence d'un village, parce que les enfants sont partis. Donc, qu'est-ce que signifie ce silence-là? Ça va être, en guillemets, récupéré, ça va être réapproprié, mais selon les différentes cultures qui participent donc à la création de cette œuvre-là. Hélène Choquette le disait en entrevue parce qu'elle a fait le tour des médias, comme Patrick qui fait le tour des médias pour parler de super-héros. Hélène Choquette le disait, elle a quand même fait un clin d'œil à la polémique, je pense à la toute fin. On n'est pas en train de divulgâcher quelque chose, c'est un documentaire, mais elle a quand même, elle ne voulait pas omettre le fait que ça s'est terminé un peu en queue de poisson, cette histoire-là. Exactement, donc elle va terminer à la fin avec des titres de manchettes, des manchettes, de journaux, donc pour pouvoir justement présenter... une vision très critique face au travail qui a été effectué. C'est particulier effectué. Parce qu'elle avait un super beau sujet de documentaire. Il est toujours un beau sujet de documentaire, mais par l'actualité, son documentaire, veut pas, a pris, ben, prend une autre tournure, a une image qui est différente parce qu'on ne fait que se rappeler comment ça s'est terminé en bout de ligne. Oui, mais je crois que avec le documentaire, moi, je vois deux choses. C'est entre autres l'idée qu'il y a... comment une création se met en place. Donc ça, c'est fort intéressant. Moi, je trouvais ça fort intéressant de voir comment on met des pièces du puzzle pour pouvoir créer une ligne directrice à l'intérieur donc de cette création-là. L'autre chose également, c'est que face à la polémique qu'il y a eu, ben, je pense que le documentaire il est éducatif, dans le sens qu'on n'a pas... Il nous amène une autre fenêtre sur une réalité. Donc, c'est plusieurs fenêtres. Là, on est témoin. Pourquoi ces artistes-là, quel était leur but et comment ils ont travaillé cette matière-là? Comment ils ont travaillé, comment eux aussi, ils ont leur propre pratique. Ce théâtre-là existe depuis fort longtemps. Là. Donc, comment ces comédiens-là ont déjà aussi une manière de faire, de travailler qui leur est propre et qui a fait leur renommée également. Fait en sorte que, oui, la troupe d'Ariane Mouchkine. Ben, la troupe d'Ariane Mouchkine, je sais pas. C'est pas une troupe amateur qui commence, là. Donc, ils ont toute une histoire dans leur fonctionnement, puis avec ce côté-là, multi-ethnique encore une fois, des gens de différentes nationalités qui participent. Le Page au soleil, à l'ombre de Canada, réalisé par Hélène Choquette, donc documentaire à l'affiche, entre autres au CLAP. Ben merci, Luc. Avec plaisir. Dans un instant, on vous parle des films qui prennent l'affiche vendredi. Au Musée national des beaux-arts à 14h. John Blouin, qui a habité longtemps à Québec, est originaire de la région de Thetford Mines, va présenter un documentaire « Regarde si c'est beau ». Il ça parle notamment d'Armand Vaillancourt et des gens qui ont côtoyé Vaillancourt. Vaillancourt qui est rendu à quel âge? 83, 84? Ouais, il doit être dans la gang de Fernand Dansereau. C'est, oui, et Vaillancourt qui n'a pas vieilli, en ce sens où j'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'il a la barbe blanche, les cheveux longs, qu'il a tout le temps la même stature avec le dos droit. Hein. C'est une carrure, c'est une pointure, Armand Vaillancourt, puis il n'a pas la langue dans sa poche. Donc, le documentaire est présenté au Musée national des beaux-arts, 14h, dimanche le 5 mai. Regarde si c'est beau. Les films qui arrivent en salle vendredi, allez-vous aller voir ça, vous, monsieur Marleau, parce que c'est Catherine Pelletier qui va nous en parler, mais un bon coup avec Seth Rogen, puis Charlize Theron. Je pense que c'est le genre de choses que je vais regarder peut-être plus. Ça a l'air un peu rigolo chez toi, dans le confort de ton salon. Oui, tout à fait. J'adore bien film de Seth salle. Rogen, non. Ils ont l'air de faire un couple amusant. Oui, je sais pas. Mais enfin. Chamboule-tout est une comédie qui met en vedette Alexandra Lamy, comédie française avec José Garcia. Il y a Mon bébé, autre comédie française avec Sandrine Kiberlin qui va également prendre l'affiche. Tout à l'heure, je vous disais tout le bien que je pense d'un film, une coproduction entre la France, mais qui se déroule en Inde, donc coproduction entre la France et l'Inde. Monsieur, une espèce de drame romantique, mais tout à fait charmant, ça arrive vendredi. On vous a dit tout le bien également qu'on pensait tout à l'heure du film de Pedro Ruiz qu'on avait en entrevue sur les toits Havane. Ruiz est allé à la Havane. Il a filmé les gens, les lieux, mais dans les hauteurs de la capitale cubaine avec un soleil extraordinaire. À ce temps-ci de l'année, ça nous donne envie d'aller là-bas, mais bon, le soleil arrive ici, remarquez. Et un autre film que Patrick va peut-être se farcir dans son salon, Ugly Dolls. Donc, tes enfants sont trop vieux. Ouais, non, moi, je pense à une autre étape. T'as vu la bande-annonce? Oui. C'est limite douteux. C'est ou en tout cas, en très bas âge. Il faut vraiment... Oui, hein? Voilà. Est-ce qu'il me reste un film? Non. Ah oui! Dennis Quaid qui est de retour dans un trailer. The Intruder. T'as pas vu les bandes-annonces à la télévision? Oui, c'est une famille qui achète une maison. Lui, c'est l'ancien occupant. Puis il partira vraiment de là. Ça. Je pense que j'avais vu la bande-annonce en salle. Moi. Bon, ça a l'air un peu cheapo, mais bon, avis aux intéressés. Ça peut être un plaisir coupable. C'est le mois du documentaire. Tout le mois de mai au cinéma Le Clap. Ça commence dès ce soir. Luc Lafontaine, Patrick Marleau, merci d'avoir été là. Merci. À la mise en onde, Jacques Gignac et Simon Roy. C'était Pierre Bleu au micro. Dans un instant, Hubert Tremblay, son émission. Bonne soirée sur les ondes de CKRL. Sortie culturelle au Festival de cinéma en famille de Québec vous a été présentée en direct du cinéma Le Clap Sainte-Foy.